Niko na lamukia kila ndugu na kila dada mjini Yesu Kristo. Je salue chaque frère, chaque sœur dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Niko na lamukia tena banduku na badada benye kutufuata kwa internet. Je salue également les frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Na bo niko na balamukia mjini Yesu Kristo. Et également je les salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunapigia tena Mungu asante kutukaburia siku ya leo. Nous rendons encore grâce à notre Dieu de nous donner le jour d'aujourd'hui. C'est un bon jour de nous retrouver dans la maison de notre Dieu afin d'écouter ses paroles. Pour honorer sa parole, nous allons tenir debout pour lire. Nous prenons notre écriture Yohane wa kwanza, chapitre yake premier, surate ya kwanza, verset 6 à 7. Musara sa sita poka ya saba. Kisha tutabeba tena de Corinthiens chapitre 5 verset yake paka 20. Et puis nous prendrons wa Corinto wa pili mstari 5 paka 20 ya mstari yake. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui. Kama tu kunasema tuko katika ushirika pamoja naye. Et que nous marchions dans les ténèbres. Na tu kunaendelea kutembea mumagiza. Nous mentons. Tu kunalanda. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Na pale tutumikie ukweli. Mais si nous marchons dans la lumière, lakini kama tunatembea munuru, comme il est lui-même dans la lumière, vile yeye mwenyewe yuko katika nuru, nous sommes mutuellement en communion. Tuko shebote pamoja mushirika. Et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Na damu ya mwana wake Yesu inatutakasa kutoka kwa dhambi yote. De Corinthiens chapitre 5. Wa Korinto wa pili sura 5. Tuko na beba ile mstari 12. Nous prenons le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Tuko na fanya basi kazi ya balozi juu ya Kristo. Comme si Dieu exhortait par nous. Sawa tu vile Mungu alikuwa anaonya kupitia sheye. Nous vous en supplions au nom de Christ. Tuko na misi mujina ya Kristo. Soyez réconciliés avec Dieu. Muwe katika mapatano na Mungu. Mungu Baba aliye juu mbinguni. Notre Père qui est au ciel. Tunakupikia asante. Nous te rendons grâce. Asante ya mingi juu ulitikia siku ya leo pate kuya. Merci beaucoup parce que tu as accepté que ce jour soit là. Kuko mangambo ingine ya hii dunia. Il y a d'autres côtés de ce monde. Kule bantu beko nashinda kusanika hivi. Où les gens n'arrivent pas à se réunir. Nous aimons profiter de ce temps. Parce que atujue mambo ile naweza kufika ku ingambo yetu kumashika kumbe. Sababu nous savons pas ce qui peut arriver de notre côté dans les jours à venir. Utusaidie Seigneur. Aide-nous Bwana. Neno yoi tunasoma. La parole, elle est là nous venons de la lire. Tuko naalika roho yako ipate kushuka. Nous invitons ton esprit qu'il descende. Itufungule mashikio ya kiroho Seigneur. Qui nous ouvre les oreilles spirituelles Bwana. Tushikie vile ba mitume walianza kushikia. Et nous écoutions tel que les disciples écoutaient. Ushituache Seigneur kukusanika hivi. Et nous laisse pas nous réunir ainsi. Na kurudia bila kupata mokinji. Et de retourner sans rien avoir. Tunakutolea hii ibada Seigneur mikono yako. Nous t'offrons ce culte entre tes mains. Kumwanzo na kumwisho wewe upate kuvuma. Du début jusqu'à la fin toi sois glorifié. Yote jua kavuma ya jina yako. Tout pour la renommée de ton nom. Mungu Yesu Kristo nakulomba hivi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Unaweza kuikaa. Vous pouvez vous asseoir. Tuko naendelea tena tuseme kiloko mshiku ya leo. Nous continuons à parler un peu encore aujourd'hui. Juu ya ile sujet tulianza kusema tangia jana. Pour le sujet que nous avons débuté depuis hier. Ile tuliintitulé sawa la réconciliation avec Dieu. C'est que nous avons intitulé à kusema uhusiano na Mungu. Na ni kitu kizuri sana. Na njoo inaigalaka mapenzi ya Mungu kila wakati. Et c'est cela même qui est la volonté de Dieu dans tous les temps. Muntu afike mukipimo kia kupatana na Mungu. Une personne soit au point de se rencontrer avec Dieu, de se réconcilier avec Dieu. Kurudisha ushirika yake na Mungu. De retourner sa communion avec Dieu. Ile ushirika ilipoteaka kule kumwanzo. Cette communion qui a été brisée là au début. Na kile kilisababisha muntu na Mungu bakose kuya mushirika. Et c'est ce qui a fait que l'homme et Dieu ne puisse pas être dans la communion. Ilikuyaga ni zambi. C'était le péché. Kila wakati kama muntu anatenda zambi. Chaque fois qu'une personne pêche. Ile njo kila ndugu na kila dada napasha kuyua. C'est ce que chaque frère, chaque sœur doit savoir. Nzambi mukila wakati inavunjaka ushirika ya mtu na Mungu. Le péché dans tout le temps toujours briser la communion entre Dieu et l'homme. Kule mtu ataifuanya. Partout l'on peut faire commettre le péché. Mahali yote le mtu anaweza kufuanya. Dans tous les cas où il peut le faire. Kama mtu anatenda nzambi. Si quelqu'un péché, Mungu paka pala na mwachi. Là même Dieu l'abandonne. Mais bantu ba mingi inaonekana kasa ba yu ile règle ni règle ya Mungu. Beaucoup de gens semblent ne pas connaître cette Tangia zamani mule mo Eden. Depuis longtemps là en Eden. Bantu ba kwanza wale Mungu aliwekaka mule mbustani. Les premières personnes que Dieu a placées dans le jardin. Mungu alibakabuliaka neno yake. Dieu leur avait donné sa parole. Na wakati tu barivunja neno. Et le moment où ils avaient brisé sa parole. Burafiki burikachika. L'amitié s'était rompue. Akukukue tena burafiki katikati ya mtu na Mungu. Il n'y avait plus l'amitié entre l'homme et Dieu. Japo kama unaangalia mbele ya dhambi kuingia. Cependant quand vous regardez avant le péché. Mtu alikuwa anaishi mu présence ya Mungu. L'homme vivait dans la présence de Dieu. Mungu saa yote alikuwa anapenda kutembelea mtu, alikuwa anakuyaka mule mbustani. Tout le temps que Dieu désirait venir visiter l'homme, il descendait dans le jardin. Balikuwa mu communion moya ya bien. Ils étaient katika ushirika d'une bonne manière. Na ile communion ilikuwa katikati ya mtu na Mungu. Et la communion qui était entre Dieu et l'homme. Ilifanya esprit ya mtu ilikuwa yenye kutulizana. A fait que l'esprit de l'homme soit tranquille. Mtu alikuwa msalama. L'homme était en paix. Mtu alikuwa msécurité. L'homme était en sécurité. Mais wakati alivunja sauti ya Mungu. Lorsqu'il avait brisé la parole de Dieu. Kunaisha mtu akaanza kuhangaika. C'était fini, l'homme était devenu. Kama vile tulisema jana. Comme nous l'avons dit hier. Na aina kitu kizuri ndugu na dada. Et ce n'est pas une bonne chose mon frère et ma sœur. Kama tuko na kuya mkukusanyika hivi. Lorsque nous venons nous réunir ainsi. Ni juu kila ndugu na kila dada. C'est pour que chaque frère et chaque sœur. Akuye na ma relation ya bien na Mungu. Ils aient de bonnes relations avec Dieu. Njokile tuko na kusanyikia. C'est pour cela que nous nous réunissons. Na njoki fukuzio kenye kia musingi kia maubiri. Et c'est ça même l'objectif principal de la prédication. Ata kama injili kuna condamne nzambi. Même si l'évangile condamne le péché. Aina kusema sema baubiri bebo na vise kitu kimoya muvia. Ce n'est pas à dire que le prédicateur vise quelque chose dans sa vie. Mungu alituma injili. Le Dieu qui envoie l'évangile. Ebo na besoin mukuye naye mukimoya. Il a besoin que vous soyez en unité, en union. Na kama unakuwa na Mungu mukimoya. Et si vous êtes en communion avec Dieu. Hakuna kitu kile utaanza kushindwa kupande ya Mungu. Il n'y a rien que tu vas manquer de près de Dieu. Na ndio kile mahubiri kuna hubiriwa. Et c'est pour cela que la prédication est apportée. Kila nduku na kila dada. Chaque frère et chaque sœur. Mu maisha yake yeye na Mungu. Dans sa vie lui avec Dieu. Mungu akuye baba yake. Que Dieu soit son père. Kama anakuya muhitaji ya kintu. Lorsqu'il a besoin de quelque chose. Anakimbilia kwa Mungu. Il va recourir à Dieu. Kama anakuya na magonjwa. S'il est malade. Anakimbilia kwa Mungu. Il fait recourir à Dieu. Kama mambo inamhangaisha. S'il est problème le tourmente. Anakimbilia kwa Mungu. Il recourt à Dieu. Parce que mudunia au mtuko naishi frère. Dans ce monde où nous vivons banduku. Unaweza kitumaini hata ndani ya Bwana. Vous pouvez placer votre espérance dans votre mari. Mais si kumwana anaweza kufa. Mais un jour il peut mourir. Unaweza kuweka kitumaini ndani ya baba yako. Vous pouvez mettre votre espérance dans baba votre père. Baba yako ni mtu wa kufa. Votre père c'est un mortel. Hata kama unaweka kitumaini mu franka. Même si vous mettez votre espérance dans l'argent. Franka inapotea. L'argent peut se dissiper. Mungu anapenda maisha ya bake batoto. Dieu veut que dans la vie de ses enfants. Maisha yabo yote. Que toute leur vie. Yaanze kudependre paka na yeye. Dépendent entièrement de lui. Donc il est Mungu anapenda. Et c'est ce que Dieu aime. C'est comme ça que les gens étaient au début avant le péché. Ils étaient en paix. Ils étaient en sécurité. Il n'y a rien qui leur manquait. Il n'y a rien qui les tourmentait. Na ile communion na Mungu frère ni kitu kizuri sana. Cette communion avec Dieu. Kila ndugu na kila dada alipasha kukitamania. Chaque frère chaque sœur devait désirer cela. Alipasha kuangaika mvii yake. Il devait se préoccuper dans sa vie. Aanze kutembea na Mungu abia kweli. De marcher avec le véritable Dieu. Hapana Mungu wa mawazo. Et non pas un Dieu imaginaire. Kama injili kuna hubiriwa. Si l'évangile est apporté. Mungu anatuma watumishi yake. Il envoie ses serviteurs. Ni ile communion irudie katikati ya bantu. Cette communion puisse retourner au milieu des gens. Ni mapendo ya Mungu. C'est l'amour de Dieu. Na ni neema ya Mungu. Et c'est la grâce de Dieu. Wakati barivunja ile communion na Mungu. Lorsqu'ils avaient brisé ile ushirika de avec Dieu. Jo wakati mambo ilianza. C'est alors que les problèmes ont commencé. Na ikukue mambo ya teketeke. Et ce n'était pas de peu de problèmes. Ile mambo iko kona leo. Ce problème est encore là aujourd'hui. Oui frère. Dio banduku. Kisha bo kuharibisha sauti ya Mungu. Après avoir détruit la parole de Biblia Dieu. Biblia iko nasema. La Bible dit. Bariangaika. Ils étaient en tourment. Kuko kintu kilibatoka mu maisha yabo. Il y a quelque chose qui leur avait quitté dans leur vie. Na bakaanza kuangaika. Malaika. Et ils étaient agités tout le temps. Bakenda kutafuta mayani. Ils sont allés chercher des feuilles afin de se couvrir. Protéger haya yabo. Que ça pouvait cacher leur honte. Lakini, mais ça n'a pas marché. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Kama munasoma Biblia njo vile. Si vous lisez la Bible, c'est wakati ya absence, présence ya Mungu ilibatoka. Lorsque la présence de Dieu leur a quitté. Bari kimbia kona kutafuta mayani. Ils ont fui pour aller chercher les feuilles. Haya yabo. Afin de couvrir leur nudité, leur honte. Il est esprit, il est. Cet esprit-là. Bale bandu bari kwana kumwanzo. Que ces gens avaient au début. Njo ile kwako na leo muduni. C'est le même esprit qui est là dans ce monde aujourd'hui. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Les gens parlent de chercher la communion, la réconciliation. De chercher de retourner leur relation. Mais ils cherchent de se couvrir avec la religion. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Les gens pensent que rester dans la religion, c'est ce qui peut ramener la réconciliation des gens avec Dieu. Aïna vile frère. Non, ce n'est pas ça mon frère. Aïna vile dada. Ce n'est pas ça ma soeur. Mudunia mujima umu. Dans ce monde entier. Akuna dini ata moya. Il n'y a aucune religion. Ile naweza kureconcilier mtu na Mungu. Qui peut retourner l'homme dans la réconciliation avec Dieu. Est-ce que tu vas mourir? Sommes-nous ensemble. Kama kurikuya dini ata moya. S'il y avait une quelconque religion. Ata umu mkambof. Même ici à Kambo. Ile naweza kureconcilier bantu na Mungu. Qui pouvait réconcilier les gens avec Dieu. Nikusema mwe bote munekala pa ifuashi. Vous tous qui êtes assis ici. Nikusema mwe c'est-à-dire que vous êtes katika ushirika avec Dieu. Alors que aina ville. Japo ce n'est pas comme ça. Miambia, frère. Si je vous dis bon. Nikusema mwe bote muko hapa mtabernacle. Que vous tous ici assis dans le tabernacle. Muko mukominion na Mungu shimina milango. Vous êtes katika ushirika avec Dieu, je vous mens. Comment moi vu mon écart là, si vous tous qui êtes assis ici, Bandouk. Munaweza kusenzir ile pense. Vous pouvez kushika ile wazo. Ya kujua kusema mu mambo ya Mungu. De savoir que dans les choses de Dieu. Hakuna dini naweza kumureconcilier na Mungu. Il n'y a aucune religion qui peut vous réconcilier avec Dieu. Hakuna kintu hata kimoya mu dunia. Il n'y a rien dans ce monde. Mungu ako na manjia ile alipasulaka tangia zamani. Dieu a des voies qu'il avait frayées depuis longtemps. Il naweza kupermettre mutu. Il peut faire que l'homme. Apate kujireconcilier naye. Soit retourner en réconciliation avec. Aina ku appartenir ku kanisa. Ce n'est pas être membre au kanisa. Beaucoup de gens accourent aux églises. C'est l'état du péché. Et les gens avaient au début. Ils ont pensé qu'en allant se couvrir. Parce que beaucoup de gens qui sont dans des églises. Ils ne sont même pas. Ils ne sont ni sauvés. Ils ne connaissent même pas Dieu. Il n'y a rien de Dieu qui de Dieu. Mais c'est pendant qu'il demeure dans la joie de l'Église. Vous savez pourquoi? C'est parce que monde qu'on a agi à Kusema. C'est parce que l'homme pense que rester dans l'Église. On a réconcilier la monde. Le retourner dans la réconciliation avec Dieu. Apana frère. Non Banduku. Apana dada. Non ma sœur. Kama bilikuya vile. Si cela était ainsi. Kaye alipasha kuya épargner. Kaina apasha kuepuka. Parce que Kaye na yeri kuya kadorate. Kaye na yete aussi mu wakuabudu. Mungu apate mbari. Que Dieu vous bénisse. Leo tuko na banduku ngapi na badada ngapi. Aujourd'hui nous avons combien de frères et combien de sœurs. Benye beko mu makanisa. Qui sont dans des églises. Beko na tenda paka vile bale ba kumwanzo walitendaka. Et qu'ils agissent comme les mu makanisa. Ils sont dans des églises. Aina Dieu akutafuta réconciliation. Ils ne cherchent pas. Bantu banekala mu kanisa. Les gens restent dans des églises. Ni Dieu akufichika bitu byabo. C'est pour cacher leur bassesse. Ils puissent avoir une bonne réputation au devant des gens. Dans les quartiers où ils sont. Dans les entreprises où ils travaillent. Dans la cité. Vous priez où? Au tabernacle. Au tabernacle. Les gens tabernacle sont des bons gens. Donc quelqu'un veut se garder la réputation. Même si vous voulez vous garder la réputation. Ce n'est pas cela. Il n'a qu'à être mushirika avec Dieu. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble. C'est ça, oui, c'est ça, Nduku. Ce sont des actes que les gens font. Vous voyez quelqu'un. Il met longtemps dans l'église. Mais la prédication, lorsqu'elle est apportée. Eko incapable ku discerner. Et il n'arrive pas à kutambua. Na kuyua Mungu eko nasema nini mwi mambo. Et de savoir qu'est-ce que Dieu parle dans ce problème. Sasa uko mkominio na Mungu je. Maintenant, comment est-ce que vous êtes katika ushirika avec Dieu? Uko na Dieu frère. Comment est-ce que vous êtes avec lui? Lorsque les gens étaient en communion au chambre, Dieu descendait chaque soir. Ils parlaient et écoutaient ce que Dieu leur disait. Est-ce que sommes-nous ensemble? Mais lorsque la communion a été brisée, la personne devient la possibilité. Et elle n'a plus la possibilité de discerner la volonté de ma pensée à Mungu dans sa vie. Sommes-nous ensemble? Vous voyez comment vous êtes. Lorsque la prédication fait longtemps, il va en parler dans la cité. Tout cela, vous savez pourquoi? C'est ne pas être dans la communion avec Dieu. Regardez Ndoku. Si cette parole de Dieu fait partie de ta vie, vous aurez toujours la soif de l'écouter. Vous ne pouvez pas haïr le prédicateur. Il a fait passer 10 à 15 minutes. Tu as chopé. Nous sommes des créatures du temps. Nous sommes des créatures du temps. Mais nous sommes vraiment écouter la parole de son père. Parce que Bible est la Bible dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. La parole de Dieu que nous écoutons, que nous écoutons, Dada Yang, faire partir de notre vie. Angaria frère, regarde Ndou, Angaria Dada, regarde Dada, le véritable enfant de Dieu ne peut pas vivre dans ce monde sans écouter la parole de Dieu. Sommes-nous ensemble? Donc quand il vit, même si la parole de Dieu est apportée, dans ton cœur tu ne te préoccupes en rien, tu n'es pas enfant de Dieu. Sommes-nous ensemble? Comment expliquer à toi, enfant de Dieu, tu peux vivre dans ce monde même si tu venais à l'assemblée, même si tu ne venais pas, lorsque tu écoutes, allez d'écouter ce que tu as dit, tes pensées sont très loin. Donc quand est-ce que tu étais sauvé? Quand est-ce que tu maintenant, présentement, il prêche en regardant parce que les gens seront à choper. Oh, les chrétiens sont tranquillés. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Ça peut arriver que le prédicateur prêche, Dieu l'emporte et le prenne encore quelques temps. Mais quand nous sommes dans la maison de notre Père, nous aimons écouter la parole de Dieu. Il y a un certain moment, le prédicateur, pendant tout ce temps, il ne parlait pas quelque chose d'important. Mais à la fin, c'est vrai que la Bible est et la Bible c'est l'onction qui enseigne. Mais comment l'onction lorsque avec cette onction, sommes-nous ensemble? C'est comme ça qu'est la parole de Dieu. Nous regardons de l'esprit de Dieu. Lorsque le prédicateur prêche, il peut parler longtemps. Mais lorsque l'on descend, nous tous nous devenons attentifs. Parce que Dieu a quelque chose qu'il veut nous dire. Sommes-nous ensemble? Le véritable enfant de Dieu, lorsque l'évangile est apporté, comme cela est sa vie, il ne peut pas vivre sans la parole. Mais aujourd'hui, Banduku, c'est grave. Niatari, vous voyez une personne dans l'église, il se cache. Même si vous pensez que c'est un homme de Dieu, une personne de Dieu, le problème c'est ce qui se retrouve dans ton cœur. Sommes-nous ensemble? Dieu Banduku, ne peut pas nous juger à cause de la gentillesse que nous avons au visage. Sommes-nous ensemble? Dieu, ce n'est pas comme nous les humains, c'est nous qui regardons. Mais Dieu lui regarde dans le cœur. Dès que nous réunissons ensemble, Dieu connaît chaque frère et chaque soeur. C'est lui qui a pas ta moufaïda dans tout ce qui s'est fait ici. Dieu connaît. Même si on a soula, lorsque ces premiers gens avaient péché, ils sont allés se couvrir dans l'église. Ils sont allés se couvrir des feuilles. On a kawia tellement ça na mukanisa. Il y a mille longtemps dans l'église. On a chiqué ma sermon na ma sermon. J'ai écouté des prédications. Est-ce que vie y a ko frère? Ta vie mon frère. Vie y a ko dada? Ta vie ma sœur. Et comment ma patano na mungu? Est-il en communion avec Dieu? Ni wewe kujuliza. C'est à toi de se demander. Maisha yako ilo ko dada. Ta vie que toi tu mènes. Cette vie est-elle en communion avec Dieu? Aujourd'hui, tu peux faire une prière que Dieu peut écouter. Tu peux faire une prière aujourd'hui et que Dieu peut écouter. Regarde la vie que tu mènes, Unaishi. Est-ce que vous réconciliation à mon Dieu? Et vous m'appartenez avec Dieu? Wakati mungu anakutumia baubiri. Lorsque Dieu t'envoie des prédicateurs, as-tu accepté d'être en paix avec Dieu? Hein, frère? Nduku. Hein, ma soeur? Dada Yang. Kama upende. Si vous n'aimez mais pas, et vous demeurez dans l'église, c'est-à-dire tu es méchant. Vous restez dans l'église, pas de faire des bonnes, de véritables expériences. Mais maintenant, toi, tu caches le péché. Maintenant, angaria, frère. Ça, regarde mon Nduku. Qu'est-ce qui peut vous aider? Hakuna. Rien. Vous restez membre de la Kanisa. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez même pas la volonté de Dieu dans votre vie. C'est grave. Ni atari. Alors que pour les véritables enfants de Dieu, ceux-là qui sont retournés au Shirika na Mungu, Dieu est leur père. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez votre père. Si c'est votre père, vous lui demandez quelque chose avec un cœur vraiment très tranquille. Parce que vous savez qu'il va vous le donner. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que sont les enfants. Donc les chrétiens, les véritables enfants de Dieu vivent avec Dieu comme un père vit avec ses enfants. Si Dieu lui dit quelque chose, il le fait sans s'opposer. Parce qu'il est baba yake. Sababu c'est son père. Ils sont en communion avec lui. Maintenant toi regarde ushirika yako na Mungu. Il y a quelque chose qui cloche. Mungu mwenyewe anapenda. Dieu lui-même aime. Akuye mukimoya na taifa yake. Qu'il soit réconcilié avec son peuple. Mais angalia wewe vile wiki. Maintenant regarde toi comment tu es. Il y a quelque chose chez toi qui cloche. Frère Branham est anasema hivi. Ndugu Branham dit ceci. Lisons ujumbe. L'unité. Umoja. Paragraphe yake 14. Nukta 14. Anasema hivi. Dit ceci. Eh bien. Muzuri. Le premier homme. Mutule wa kwanza. Et la première femme. Na ule mwanamke wa kwanza. Dans le jardin d'Eden. Mule mbustani ya Edena. Était en parfaite harmonie avec Dieu. Par mapatano ya kweniana na Mungu. De sorte que Dieu pouvait descendre quand il voulait. Mungu anaweza kushuka wakati anapenda. Et parler de bouche à oreille avec Adam et Eve. Na kuwasemezea kumashikio kinywa kwa kushikio na Adam et na bien, Eva. Mzuri. C'est ça l'unité parfaite. Jo moja kamilifu. Dieu et sa création. Mungu na maumbile yake. Dieu parlant de bouche à oreille avec Adam et Ève. Mungu kusema kukinywa na bale bale. Ils étaient dans une harmonie si parfaite. Alikuwa maupatano kamilifu. Avec Dieu. Na Mungu. Qu'ils étaient un avec Dieu. Alikuwa mmoja na Mungu. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Bali kuya mu mapatano moya. Ils étaient en communion. Kamilifu. Une communion parfaite. Est-ce que tu es pas moya? Sommes-nous ensemble? Donc ils étaient en unité. C'est-à-dire que vous voyez dans les familles. Jama yenye kuya tu ya bien. Une bonne famille. Bwana na bibi. Vous voyez le mari et la femme. Beko mukitu kimoya. Ils sont unis. Est-ce que tu es pas moya? Sommes-nous ensemble? Jama yenye kuya ya bien kunyoloka. Une bonne famille. Que bibi bonne. Na bwana. Le mari et la femme. Katikati yabo. Au milieu d'eux. Akuweze kukuya obstacle. Il n'y a aucun obstacle. Relation il est adar kuyakana na Mungu. C'est ça la relation qu'Adam avait avec Dieu. Relation il est nekalaka na mujama yenye kuwa sawa. C'est ça la relation qui est dans une famille correcte. Bantu benye kuya soudé. Les gens avec mungano kabisa. Bantu benye kuya uni. Les gens qui sont umoja. Bantu benye kuya na mapendo. Les gens qui ont l'amour. C'est que absence ya huyu. Donc l'absence de celui-ci. Iko na mufanya huyu mwingine mubaya. Dérange l'autre. Ndio jamaa ya bien. C'est ça une bonne famille. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Na njo kifukuzio kia Mungu. Et c'est ça même l'objectif de Dieu. Kwa kila ndugu na kila dada. Pour chaque frère, chaque maisha yako yote. Que votre, toute votre vie. Ikuye paka centre. Qu'elle soit. Wewe na Mungu mnakuwa mkomunion. C'est que vous et Dieu vous soyez en communion mupatane. Sijui kama mnakuwa mwile namna. Donc quand vous serez dans cette communion. Utapata kwa wakati ya kutenda dhambi. Je ne sais pas si vous aurez le temps de pécher. Parce que si quelqu'un péchait, c'est parce qu'il pense que Dieu n'est pas là. Que Dieu vous bénisse. Et c'est le signe de Dieu. Cette personne n'est pas en communion avec Dieu. Comment expliquer on a besoin qu'on attende bien à Jésus? Dieu vous a offensé que vous marchiez avec Jésus. Ou faites quelque chose qui est obvious. Que vous fassiez quelque chose qui n'est pas correct. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Vous marchez avec Christ. Mais que vous fassiez quelque chose. Et que dans votre cœur vous soyez béni. Toi-même tu connais. Toutes ces mauvaises choses. Qui sont dans ta vie. C'est parce que on a gâté la réconciliation. Tu refuses ushirika. Tu refuses la réconciliation avec Jésus Christ. C'est parce que tu es méchant. Na ile tabia ya ile namna. Et cette habitude-là, utaishia wapi? Où finiras-tu? Ni mambo ya wewe kujiuliza. C'est, il faut se poser la question. Est-ce qu'on a weza, frère? Est-ce que vous pouvez réussir? Uko na tembea na Yesu Kristo. Vous pouvez arriver à marcher avec Jésus Christ. Ufanye vitu vya buelewe. Et vous fassiez quelque chose qui n'est pas correct. Ujiulize. Posez-vous la question. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui vous faites des choses qui ne sont pas correctes. C'est parce que vous n'avez pas Dieu. Vous n'avez pas Dieu. Nous les humains ici dans ce monde. Lorsque vous marchez avec un frère correct, mais lorsqu'il voit que vous faites quelque chose qui n'est pas correct, il va te réprimander. Frère, ne fais pas ça. Ma soeur, ne fais pas ça. Mais à combien plus fort trésor si vous comment expliquer le monde où on a prétendre qu'il y en a? Vous pouvez expliquer que vous avez Dieu. Que Dieu vous laisse vivre. C'est quel Dieu que vous êtes rencontré avec? Ni Mungu wa wapi? C'est, il vient d'où ce Dieu-là? Aona kusema kwa sedui. Vous voyez qu'il y a quoi, kutongoza? Ni Mungu wa wapi, frère? C'est quel Dieu bandou? Ni Mungu wa wapi, dada? C'est quel Dieu? Alikuacha roho yako ibakie paka vile. Il laisse ton cœur rester. Na roho ya kizarikio. Et ton cœur là qui est allé la naissance. Hakuna kitu hata kimoja kinabadilika. Et qu'il n'y a rien qui a été changé. Hapana, frère. Non, bandou. Hapana, dada. Non, dada. Unaona mwia ndio tulisoma. Vous voyez dans l'écriture que nous avons lu. Mude Corinthiens chapitre 5. 5. Verset 17 de Bible qu'on a dit. Si quelqu'un est en Christ, kama mtu yuko ndani ya Christ, en d'autres termes, si quelqu'un est réconcilié avec Christ, mtu yuko mapatano na Christ, il est une nouvelle créature. Anakuwa ni kiumbe kipya. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Les choses anciennes sont passées. Mambo ya zamani bitu voici zamani toutes les choses sont devenues nouvelles. Mambo yote nakuwa ya mupya. Kama mtu alichakuwa réconcilié na Kristo. Si quelqu'un est réconcilié avec Christ. Bitu bia zamani bina marizika. Les choses anciennes sont passées. Bitu bia sasa bina zarika mufi yake. Maintenant les choses nouvelles naissent dans leur sa vie. Maintenant où es-tu réconcilié na Christ wapi? Maintenant où as-tu réconcilié avec Christ? Wakati unaishi vile unapenda. Lorsque vous vivez comme vous voulez. Unasema vile unapenda. Vous parlez comme vous voulez. Roho yako hauna tena condamnation. Dans ton cœur, nya, kuna, kuna, mais unafurahi pa kubakia mtabernacle. Et vous contentez de rester dans le tabernacle. Uko sedui. Uko tu mwenye kutongozo. Uko sedui, frère. Vous êtes mwenye kutongozo banduku. Comment expliquer unaweza kutembea na Mungu? Mais uanze kuishi mfujo. Vous marchez avec Dieu et vous menez une vie en désordre. Namna kani? Comment? Uko na barafiki. Vous avez des amis. Vous êtes entendu pour vous garder des secrets. Lorsque vous les méditez, vous me dites, vous avez des frères, des frères, des frères, avec qui vous parlez des mauvaises choses. Et puis vous dites que je suis chrétien. Vous vous mentez vous-même. Vous vous mentez. C'est la vérité. Ni bien quoi? Uko na jilanda. Vous mentez. Comment est-ce que vous kuikala mwili hali? Je, tu peux expliquer que tu restes dans cet état là? Kisha unasema niko déjà réconcilié. Et puis tu dis que nisha kurudia mapatano. Hapana frère. Non bani. Hapana dada. Non ma sœur. Mutoto wa Mungu abia kweli. Un véritable enfant de Dieu. Anaikalaka nashikia nguvu kuvunja sauti ya Mungu. Il a difficile de briser la parole de Dieu. wakati kuna ishi. Lorsqu'il vit, eko na magumu. Il a des difficultés. Ya kufunda sauti ya Mungu. De briser la parole de Dieu. Mais weye vie yako. Mena toi. Iko naonesha tu kusema. Montre que. Hauna mtoto wa Mungu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Hauna mtoto wa Mungu. Vous n'êtes pas enfant mais de Dieu. Mais kama unakufa mwili hari utapotea. Mena si vous mourrez dans cet état là, vous serez perdu. Utapotea frère. Vous serez perdu banduku. Abana kusema sawa mhubiri njoo paka bila nasemaka. Le prédicateur c'est comme ça qu'il parle. Niko journaliste. Ne me voyez pas comme pas chabari. Utapotea. Vous serez perdu. Utapotea frère. Vous serez perdu ndugu. C'est la vérité. Ni bia kwe. Injili iko na hubiriwa hii. C'est l'évangile qui est apporté. Unapenda bakuhubiri nini? Vous voulez qu'on vous prêche quoi? Unapenda baseme na weje. Vous voulez qu'on vous parle comment? Juu utengeneze via. Afin que vous puissiez arranger votre vie. Unapenda tufanyeje? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ah unapenda nani akuhubiri? Ou bien vous voulez qui va vous prêcher? Bafu bafufuke. Que les morts ressuscitent. Uone bale bafu ba Jérémie. Et vous voyez les Jérémie? Ba Abraham. Les Abraham. Uone ba Pierre. Et vous voyez les Petro? Ba Jésus-Christ. Vous voyez Jésus-Christ? Ba fufuke. Qui soit ressuscité. Ba kwa ba kwambie ba bile uko nafuanya. Et qui te dit sur ce que tu fais. Jo boka butakubamba. Afin que tu puisses avoir la crainte. Ni ya bongo. C'est faux. Mungu abate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Kama hivi biko na hubiriwa. Si ce qui est apporté bila shinda ku convaincre roho yako. N'arrive pas kuhakikisha votre cœur. Na usimamishe pa maisha mubaya. Si arrêtez votre vie. Ata bafu banafufuka bata kusaidia. Si les morts ressuscités ne peuvent pas vous aider. Ils ne vous aideront pas. C'est la vérité. Nibikweli. Il est roué au gouraille. Le cœur que vous avez. Bantu na baba likuyaka na wakati ya Noé. Il y a eu des gens qui l'avaient dans le temps de Noé. Bale Mungu alitumaka serviteur wake. Cela quand Dieu avait envoyé ses serviteurs. Et qu'il avait prêché. Mais ils avaient refusé. Bali katalaka. Et ils avaient refusé. Aïna paka mwakati ya Noé. Ce n'est pas seulement au temps de Noé. Ata mwakati ya Jésus-Christ. Même au temps de Jésus-Christ. Ye mwenye Jésus-Christ alikuwa pa dunia. Même Jésus-Christ sur la terre. Anahubiri. Il a prêché. Anafanya miracle. Il a fait des miracles. Anahakikisha kusema yeye ndio Messie. Il a confirmé que c'était le Messie. Mais bana katala. Mais ils avaient appelé kusema prince des démons. Il avait appelé que mkubwa wa ma démon. Ndio ile esprit kunayo wewe. C'est ça l'esprit que vous avez. Oh, ni nani anahubiri? Oh, c'est qui? Anahubiri kama lugha gani? Il prêche dans quelle langue? Anahubiri kama Swahili. Il prêche en Swahili. Ah, Swahili bisha kwa vitu vya zamani. Oh, le Swahili c'est devenu périmé. Wabona unasema uko na jikaburia luxe. Vous vous donnez le luxe? Uko na console njoro yako. Vous êtes en train de kufariji moyo wako. Mais destiné yako iko mubaya. Votre fin est très mauvaise. C'est la vérité. On a katala, frère. Même si vous refusez. Ata kama unachukia. Même si vous haïssez. Oh, mishi mupendako le frère kama anaza kuhubiri. Je n'aime pas ce frère lorsqu'il prêche. Mafu hii neno ina destiné kwako. Mishi natakule. Batoto ya Mungu babia kweli. Le véritable. Bana sema kama vile Pierre alianza kusema. Yeye ni pale kio. Ata ni ya nguvu. Même si c'est difficile. Akirionu. Tutaenda wapi? Kwa nani tutaenda? Atuona kwa kwenda. Una fondu par où aller? C'est ce qui amène la vie. Nous nous acceptons. Même si cela est difficile. Mais nous les aimons. C'est cela qui va nous changer. Mais toi tu restes là-bas. Moi je n'aime pas ce frère là. Même si vous ne m'aimez pas, Jésus lui-même. Kama unipenda una na mashiko ya kuniweka. Si vous n'aimez pas, vous n'avez pas de jour. Ah, unana kumbi ngukula utanipeleka. Vous n'avez pas de siècle. Ah, papa, il faut j'y peko ba Christo. Ici il y a des chrétiens. Ah, papa, il faut j'y peko ba dada ba Christo. Ici il y a des sœurs chrétiennes. Bale beko na uzunika. Là qui c'est. Mon maïche elle beko na ishi mubaya. Dans la vie, mon frère qui mène. Ils sont ici. C'est la vérité. Ni bien quoi. Oh, niko réconcilier frère. Oh, nshakurudia mapatano banduku. Bia bongo bile. C'est faux. C'est la vérité. Ni kweli. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Oui frère. Ndio bandu. Mu Kristo wa bia kweli. Un véritable chrétien. Asiweze kuficha mu kanisa. Ne peut pas se cacher dans l'église. Mafichika bubaya mu kanisa. Vous cachez votre bassesse dans l'église. Hapana frère. Non banduku. Hapana dada. Non ma sœur. Chez tuko ba Kristo batoto ya Mungu. Nous sommes des chrétiens les enfants de Dieu. Atukiaka mu kanisa. Tuko na fuanya nguvu. Nous faisons un effort. Dieu a kumpendeza Mungu. Pour plaire à notre Dieu. Ya kufanya mapenzi ya Mungu. De faire la volonté de Dieu. Ya kufanya kenye kwa kia kunyoloka. De faire ce qui est droit. Njoo kile tuko nakusanikia. C'est pour cela que nous réunissons. Na Mungu anatutumia neno. Et Dieu nous envoie la parole. Chez tunasema hivi njoo vya kule yetu. Et nous disons que c'est ça notre nourriture. Biko natusaidia msafari. Ça nous aide dans notre marche. Hata kama bana hubiri je. Si on prêchait comment? Mu mambo ya Mungu. Dans les choses de Dieu. Chez tunaka kia nguvu. Nous ne voyons pas ce qui est difficile. Hata bina kuya je bina vinya. Même si ça coince. Pa maisha. Dans la vie. Mais mu roho yangu. Mais dans mon cœur. Niko na hakikisho. J'ai cette Mungu atanisaidia. Dire que Dieu va m'aider. C'est la vérité. Ni bien quoi? Et c'est ce que Dieu aime. Chaque frère et chaque soeur, que nous soyons réconciliés avec lui. Ne demeurez pas dans l'église. Beaucoup de frères et soeurs se plaisent d'être ainsi. De rester seulement dans l'église, d'écouter les prédications, mais ils mènent une vie dans le péché, ils vivent dans la haine, il a un mauvais cœur, ils pensent du mal des autres. Mais cependant, il est toujours dans l'église, et lui aussi, c'est un homme de Dieu. Lorsque vous regardez la vie, ce qu'il fait dans les ténèbres, ce que les gens ne connaissent pas. Même si les gens ne connaissent pas cela, Dieu connaît ce que vous faites dans le ténèbre. Certains frères, certains soeurs, ils font même des fétiches. Vous croyez que c'est la bénédiction qui vient de Dieu? Vous avez déjà fait des gris-gris. Un méchant. Cependant, il écoute cette parole. Certains vont chercher de vos kingo. Et qu'on puisse le protéger. Parce que les gens peuvent bakumuwa. Vous êtes simplement un ignorant. Que Dieu vous bénisse. Regarde ces devins là. Ils vont te donner ukingo. Eux-mêmes vont dans les cimetières. Ils vont chercher des os des gens qui sont déjà mouillés. Et c'est ici tu lis ceci et que tu mets devant ta porte. Donc, lorsque les gens veulent venir attaquer ta maison, tu seras protégé. Et vous voyez quelqu'un, celui qui est ignorant, il va chercher c'est être un insensé. Que Dieu vous bénisse. Les véritables enfants de Dieu, ils ont la protection de plus que toute protection. Sommes-nous ensemble? Donc, si vous êtes enfant de Dieu, sache que votre vie mukingo kabisa. Vous ne quitterez jamais ce monde si Dieu n'a pas encore pris la décision. Comment est-ce que vous quitterez? Rien ne peut te faire quitter. Même les balles. On prend les balles au combat satellite. Il faut pas que Mungu a décidé. Il faut que Dieu prenne la décision. Frère, c'est la vérité. Niko Libanduku. L'enfant de Dieu, lorsqu'il vit, il ne craint rien. D'abord, il sait que sa vie, lorsque ça s'arrête, c'est une bango qui vient du ciel. Vous ne pouvez pas aller chez les démons et vous êtes toujours chrétien. Non, Bandou. Non, Dada Yang. Un véritable enfant de Dieu, il est katika ukingo avec Dieu. Et c'est ce que le véritable chrétien espère. Parce que nous sommes en communion avec Mungu et tout. Là-bas, nous sommes dans la communion avec notre Dieu. C'est pourquoi, frère et soeur, ne vous cachez pas dans l'église. Vous devez kurudia katika ushirika avec le véritable Dieu. Vous voyez, Mwagano de la Kale. Les gens dans la Gano de la Kale. Pour que les gens retournent mon patron à Mungu, Dieu avait mis une loi. Il fallait qu'une personne puisse prendre sa bête. Lorsque une personne péchait, il prenait un agneau, il prenait un bouc, il ira chez les Bakouani. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'il va arriver au Bakouani, on va égorger cette bête. Si cette bête mourait, le pêcheur mettra ses mains à la tête de la bête. Mais lorsqu'on est en train d'égorger la bête, la bête fait couler le sang. Et lorsque le sang est coulé, lui tenait le péché et confessait son péché. Mais lorsque la bête se mourait, le sang jaillit, il sentait cette amertume. Il devait l'attraper, lui, et ça attrapait la bête. Lorsque la bête meurt, le péché de cette personne Adamu ya ule nyama au travers le sang de cette bête innocent wa mambo, et la personne est pardonnée. C'est comme ça que c'était mon gano. Et tous ces gens dans l'Ancien Testament, ils faisaient cela. Dieu les voyait être justes. Sommes-nous ensemble? C'est pourquoi mon angaria ta vie à Job. Quand vous regardez même Maïcha Job, chaque temps que Dieu déclarait à Job qu'il est juste, c'est pourquoi. C'est parce que dans la vie de Job, il a respecté le sang de Dieu. Il est retourné katika ushirika avec Dieu. Aïgoukouya frère. Ce n'était pas frère. Aïgoukouya dada. Ce n'était pas ma soeur. Kitu dame. Une autre chose qui est le sang. C'est ce qui retournait les gens. Et lorsque le pécheur faisait cela, lorsqu'il commet un péché, et qu'on tue une bête à sa place, il ne retournait plus. Avec cette soif de ce péché-là. Pourquoi? Parce que madame ya banyama mwagano la kale. Babu le sang des bêtes dans l'Ancien Testament. Il kuyaka inférieur ya damu ya bantu. Il kuyaka chini par rapport au sang. Même s'il pouvait s'arranger. Réconcilier na Mungu. Même s'il pouvait rudia mukati. Le pécheur avait toujours la soif. Parce que le sacrifice était moindre. Mais le Dieu du ciel. Mwagano jipya. Le Nouveau Testament, lui-même Dieu, il a pris la place à moi, sommes-nous ensemble? Na kila ndugu na kila dada. Et chaque frère, chaque sœur. Ule anaweka mikono yake. Celui qui place ses mains. Pa sadaka kamilifu ya Yesu Kristo. Le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Aina sa vile bilikuwa mwanzo testament. Comme c'était moi gano na kale. Leo hii frère. Aujourd'hui bandi. Leo hii dada. Aujourd'hui ma sœur. Kama mtu anaamini bya kweli. Personne croyait véritablement. Zambi na amu ya zambi kuna toka mroho yake. La soif du péché est sortie de son cœur. Est-ce que dopa moya? Sommes-nous ensemble? Si une personne a rudia katika mapatano avec Dieu, le signe qui te permet de savoir la soif du péché sort dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Ni preuve ya kusema ko réconcilier na Mungu. Atikisho de dire que tu es un rudia mpa mushirika na Mungu. Ndio vile Biblia iko nasema. C'est comme ça que dit la Bible. Tusome mbele ile andiko. Lisons cette écriture. Ni mu hébreu. Wa Hebrania. Hébreux chapitre 9. Webarania sura ya 9. Biblia nasema hivi. La Bible dit ceci. Niko na kitu kimoni unapenda kusema hapa. Je, une chose que j'aimerais dire ici. Hébreux chapitre 9, tuanze mu verset 11. Commençons musara 11. OK. Tuanze tu mu 13. Commençons car kwani, si le sang de taureau et de bouc kama damu ya bambuzi na bambombe, et la cendre d'une vache na majifu ya ngombe répandu sur ceux qui sont souillés enye kusambaza kwa wale wenye kujichafusha, sanctifié et procuré la pureté de la chair iko na takasa nguleta usafi ya mwili. Combien plus le sang de Christ, marangapi damu ya Kristu, qui par un esprit éternel, il est kupitia roho ya milele, cet effort offert lui-même, il jitoa yo yenyewe, sans tache, bila taka, à Dieu, kwa Mungu, purifiera-t-il votre conscience, itatakasa zamiri yenu, des œuvres mortes, kumatendo ya kufa, afin que vous serviez le Dieu vivant, kusudi mpate kutumikia Mungu mzima, Mungu apate kubariki, Dieu vous bénisse, damu ya Yesu Kristu frère, le sang de Jésus Christ est bandi, damu ya Jésus Christ, le sang de Jésus Christ est ma soeur. Lorsqu'une personne anaweka mikono kwa ile damu, met ses mains anabeba décision, et anabeba, il prend une décision ya kujireconcilier na Mungu, ya kurudia katika mapatano avec Dieu, iko na tosha na amu ya kutenda zambi, ça ôte même la soif de péché. Est-ce que tu pamoja? Sommes-nous ensemble? Kila ndugu na kila dada, chaque frère et chaque soeur, ule ko reconcilié na Mungu, celui qui est mapatano avec Dieu, ashikalake na amu ya kutenda zambi, n'a plus la soif de péché. Angaria frère, regarde nduku, angaria dada, regarde unaona mwanzo testament, vous voyez mwagano la kale, Lorsqu'une personne offrait un sacrifice, à cause d'un péché, il ne retournait plus encore là-bas pour ce même péché. Vous commettez un faux aujourd'hui. Vous vous médisez, vous prenez votre bête afin qu'on puisse aller expier votre péché. C'est-à-dire, vous n'avez plus la rousse de retourner avec une bête sur le même péché. Dans l'Ancien Testament, c'est déjà ça. Pourquoi? Parce que agir de la sorte. Donc, tu connais kufuru ile sadaka. Est-ce que tu sommes-nous ensemble? Je vais briquer mon ancien testament. C'est comme ça que c'était mon ancien testament. Lorsqu'une personne agissait comme ça, on le lapidait. C'est comme ça que c'était. Maintenant, regarde Ndoukou. Regarde ma soeur. Ça, c'était le sang. Imparfait. Yashipokwa Kamilifu. Il est né bantu bariko anatenda nzambi. Le sang que lorsqu'une personne en a fait comme un péché. Anatenda conscience yake. Sa conscience. Il connaît beaucoup ce que Rudy a dit après Moïse. Il poussait encore retourner dans son péché. Mais il connaît la chérie à Yangufu ya ile namna. Avait une loi difficile de cette façon là. Est-ce que tu pas moya? Sommes-nous ensemble? C'est pourquoi kila ndugu na kila dada. Comment chaque frère chaque sœur. Mubitu bya Mungu anapasha kuyamo serie. Dans les choses de Dieu anapasha kuwa na moyo wake wote. Au pas de kufanya mizana mambo ya Mungu. Ne devez pas blaguer avec les choses de Dieu. Comment expliquer, frère, tout le monde a regretté? Il y a des choses facile qui est une ozurika. Panzambi la rifuanya mubaya. Le péché qu'il a commis. Damu iko na mwangika pafuasi yake. Le sang est versé à sa place. Anaweza tena kurudia mwile zambi. Veut-il encore retourner dans ce même péché? Apana, frère. Non, banduku. Kama mutu anarudia tena mwile zambi. Si quelqu'un retourne dans ce même péché. Ni mutu mubaya. C'est un méchant. Na eko na roho mubaya. Et il a un mauvais cœur. Est-ce que tu vas moya? Sommes-nous ensemble? Parce qu'il est qu'on a réconcilié Bantu na Mungu. Ça va, vous savez qui ramène les gens mouchriques avec Dieu? Ni damu ya Yesu. C'est le sang de Jésus Christ. Mungu que Dieu vous bénisse. Damu ya Yesu Christo. Le sang de Jésus Christ. Kama mwagano la kale barikuwa na beba banyama. Si dans l'Ancien Testament on prenait les bêtes. Mais leo chia tu bebe nyama. Aujourd'hui nous ne prenons pas des bêtes. Chia tu chia kubeba ni muntu. Nous avons pris quelqu'un, un homme. Est-ce que tu vas moya? Sommes-nous ensemble. Frère. Banduku. Muntu unaweka mikono yake. Vous prenez vos mains. On est en train de gorger une personne. Il est en train de verser le sang. Tu es encore à cause du péché quelqu'un que tu as commis. Est-ce que tu peux encore retourner dans ce péché-là? Vous voyez que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne sont pas encore retournés, mais pas tant avec Dieu. Sommes-nous ensemble? Ils ne sont pas en retournés dans ma patron avec Dieu. Une personne qui verse le sang sur le péché, c'est toi qui devais mourir de la sorte. Est-ce que peux-tu encore retourner dans ce même péché? Vous voyez comment les gens prennent les choses de Dieu comme de la blague aujourd'hui. Et comme les prédicateurs aujourd'hui prêchent de la manière arrangée, afin que les gens ne voient pas qu'il a commis une mauvaise chose. Les problèmes de Dieu demeurent les véritables. Chaque frère, chaque soeur. C'est-à-dire que vous êtes un véritable croyant. Vous devez prendre avec beaucoup de valeur l'amour de Jésus Christ. Sommes-nous ensemble? Jésus Christ n'était pas mort parce qu'il avait péché. N'était pas mort parce qu'il avait volé. N'était pas mort parce qu'il avait commis. N'était pas mort parce qu'il avait méchant. Il était mort. Et versé le sang. Afin de réconcilier le pécheur avec Dieu. Sommes-nous ensemble? Le sang de Jésus qui s'était versé. C'est pour que Shabbat katika mapatano. Et si une personne acceptait cela, croyez à l'œuvre du calvaire. Afin à Rudio Mapatano avec Dieu. Le mal qu'il avait commis. Et il va jurer, ne va plus encore retourner dans ce péché. Maintenant, ça regarde à ta vie. Vous voyez peut-être que vous ne savez pas si vous portez de longues jupes. Vous venez tous les jours, non. Pour dire katika mapatano avec Dieu, c'est de prendre la valeur de ce sacrifice et de ce sang qui a été versé sur ton problème. Oui, C'est toi qui devais mourir. Mais Jésus-Christ a dit qu'il faut réconcilier la monde. Mais Jésus-Christ est mort pour courir chez mais comment vous continuez encore à vivre Mugu? Comment vous continuez à vivre en désordre? Vous ne vous préoccupez de rien. Il y a quelque chose qui cloche. Quand est-ce que vous êtes courir chez Mapatano avec Dieu? Oh, mimi nakuya. Oh, moi je viens. Kutubu zambi ya busharati. Me repentir du péché de l'adultère. Sadaka yangu njoi. Le mon sacrifice est ici. Tena ile sadaka haina sema ni nyama. Et même ce sacrifice là ce n'est pas une bête. Ni mtu innocent. C'est un homme innocent. Washipona mamu. Mimi nakuya kutubu zambi yangu ya mashimango. Je viens me repentir de mon péché de la médisance. Me balanza kuua mtu. Mais on commence maintenant à tuer. Damu kuna mangika. Et le sens est ton. Wewe ushakushimama pale le mtu kunaona vile eko na hangaika. Et toi tu tiens là tu vois quelqu'un qui est en train de se débattre. Parce que Jésus-Christ avant de mourir. La Bible dit qu'il s'est débattu. Est-ce que vous savez cela? Et vous retournez toujours dans ce même péché. Du temps de la Sainte Seine, vous allez encore vous repentir. Vous n'êtes pas encore à Mushirika na Mungu ku muntu mubaye. Sommes-nous ensemble? Tu es un méchant. C'est la vérité. Ni bien quoi? Que Dieu vous bénisse. Maintenant on commence à tuer le sacrifice. Le sang est versé. Le sang de qui? Le sang du Créateur. Le Créateur qui n'avait rien fait. On commence à le tuer à ta place. Frère, toi tu es Bandoukou, cessons de jouer avec les choses de Dieu. Vous voyez que tu as mis Jésus dans les choses de Dieu. C'est manquer de comprendre correctement les choses de Dieu. C'est la vérité. Ni bien quoi. Le manque de ne pas comprendre correctement les choses de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous ramène. Si ce n'est pas ce sang, il n'y a aucune personne qui devait être sauvée. Qui allait être sauvée? Est-ce qui pourrait te sauver? Ou bien parler comme tu le fais? Ou ta gentillesse? Ou ta vie droite? Le Dieu du ciel. Il n'y a rien qui puisse accepter si ce n'est que le sang. Que Dieu vous bénisse. Et nous comme des chrétiens qui avaient cru à l'œuvre de Dieu, lorsque nous marchons, nous faisons notre effort afin que nous ne puissions pas prendre l'œuvre du calvaire en vain. Sommes-nous ensemble? C'est la vérité, frère. Repentance, pas aujourd'hui, ça devient encore la même repentance. Des semaines, après des semaines, on a prié, Seigneur, vous venez encore en prière. Dieu n'est pas un grand-père. Cessez de jouer avec nous. Nous vivons vraiment les temps, les derniers temps de la vie. Où chaque frère, chaque soeur doit savoir réellement ce qu'il fait. Et où est-ce qu'il va avec les choses de Dieu? Jésus-Christ n'était pas mort en vain. Il est mort afin de nous ramener en réconciliation. Et si une personne se réconcilie avec lui, il respecte, il est endos dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la Bible dit. Donc comment vous entendez la Bible dire? Toujours mon hébrania. Chapitre 10, la Bible dit. Sura 10, la Bible dit ceci. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. Amen. Sommes-nous ensemble? Si nous péchons volontairement, après avoir connu la connaissance de la vérité, c'est-à-dire, il n'y a plus de sacrifice sur ce péché-là, involontaire. Sommes-nous ensemble? Il n'y a plus rien que vous allez sacrifier. Il n'y a plus de sacrifice. Le péché que vous avez commis volontairement, c'est pour vous. Mais, Lakini, une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a volé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu mwana wa Mungu, et qui aura tenu pour profane na ule ata kufuru, le sang de l'alliance damu ya gano, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Na ule ata chambula ile roya nema. Mungu apate umbariki. Que Dieu vous bénisse. Kama mwakati ya Musa, si du temps de Moïse badanza kuwa batu na maibwe, on tue les gens, on les lapide. Cela a violé la chérie à Moussa. Et c'était sur le sang des animaux. Mais pourquoi chérie à Moïse était très stricte? Il y avait une loi très angouve kabisa. Il a coupé misa. Qui n'avait pas de blagues. Mais sous le sang des animaux. Il coupait la pouvoir pour toucher à des îles. Il n'avait pas même la capacité. Mais pourquoi chérie à Yangoufou? Il y avait même une loi terrible. Maintenant, vous pensez que Mouya Gano Djibouti, toute personne, ou la tabelle profané, qui va prendre en vain le sang de l'alliance, qui va profaner cela, qui va prendre le sang de Jésus-Christ comme étant quelque chose de moins important, prendre le sang de Jésus, c'est-à-dire vous faites des choses, vous savez que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, mais vous continuez à le faire. Utasamba. Vous répondrez. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Nibia kwe. C'est pourquoi kila ndugu na kila dada. Donc, comment à chaque frère, chaque sœur. Mwenye kujua kusema. Qui sait que. Anapasha kuitikia réconciliation. Qui doit accepter ma patano. Anapasha kushimamisha bubumbafu bote. Pour arrêter sa stupidité. Jua shibebe kwa bule damu ya gano. Afin qu'il ne puisse pas profaner le sang de l'alliance. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Tunashimamishia. Nous nous arrêtons ici. Méditons. Et qu'on se tienne tous debout. Méditons. C'est ça, mapatano. Réconciliation Mozambi. Ce n'est pas mapatano avec le péché. Apana. Non. Dans l'Ancien Testament, il y avait des lois dures, difficiles. Mais lorsque vous regardez ces sacrifices, n'ôtez pas le désir du péché. Mais aujourd'hui, nous avons le sacrifice parfait. Il est comme un monde qui est tout sincère. Cela que si quelqu'un a moins de choses, il se met son cœur sur ce sacrifice. Le désir du péché est ôté. Et non pas ces péchés volontaires. Si quelqu'un péché volontairement, pour lui il n'y a plus de sacrifice. Prions tous notre Dieu.